Je n'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble, on est devenus grands. De bons points en double zéro, paralysés par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace, au-delà de nos différences. Des coups de sang avant d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Comme si les battements de nos cœurs étaient sur la même longueur d'onde, les lignes de nos mains se confondent. Tu me renvoies comme un miroir mes doutes et mes éclats de rire, la promesse d'un autre avenir. Un peu la lumière s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe. Dans tous les battements de mon cœur, on dit comment j'aurais pu faire face, et entre le feu et la glace, au-delà de nos différences. Avant d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Au-delà de nos différends, avant d'échanger nos qu'on est face à face, on se ressemble sans.